Rebonjour. Rebonjour. Si vous voulez bien, on va se recueillir dans un moment de prière. Seigneur, encore une fois, nous approchons de ta parole et nous voulons faire dans le respect et dans l'amour de ta parole, reconnaître en elle notre Seigneur Jésus et lui permettre de nous parler. Nous te demandons que tu puisses nous accorder d'avoir des cœurs ouverts, des esprits ouverts pour ta vérité, là, de la manière dont nous voulons bien la comprendre sous la conduite du Saint-Esprit. De nous accorder non seulement de comprendre et peut-être d'apprendre, mais surtout de vouloir vivre et mettre en pratique ton appel envers nous. Donc, nous mettons à ta disposition dans l'humilité et nous demandons que ce soit toi qui puisses nous enseigner à travers ta parole écrite au nom du Christ. Amen. Nous sommes donc à notre troisième leçon, où il s'agit du service que rend la communauté et donc des ministères qui sont répartis dans la communauté, parmi les membres de la communauté. Donc, servir en communauté. Vous vous souvenez, nous avons dit que Dieu, c'est un Dieu qui se donne, qui s'extériorise, et donc son image est appelée à faire de même. Parlons d'abord de Dieu et du modèle qui est établi par Dieu lui-même. Ce que nous devons retenir de la manière dont Dieu entreprend ses projets, c'est que les membres de la Trinité sont toujours en équipe ensemble pour faire œuvre ensemble. Cela, nous l'avons déjà vu ce matin dans la première leçon en ce qui concerne la création. Dans l'œuvre de la création, c'est Dieu le Père qui était au premier plan, mais vous en êtes aperçu. Ni le Fils, ni le Saint-Esprit n'en étaient exclus. Ils participaient ensemble à cette œuvre. Vous vous souvenez, nous l'avons vu ce matin, le Fils dans la parole, qui devient l'agent créateur de Dieu, et le Saint-Esprit, qui était présent aussi. Pour l'œuvre de la rédemption, le ministère du salut, cette fois, c'est qui est au premier plan? C'est le Christ qui est au premier plan, le Fils qui est au premier plan. Mais est-ce que le Père et le Saint-Esprit en sont exclus de cette œuvre? Absolument pas. Par exemple, le baptême qui inaugurera le ministère du Christ, quelle était la signification de ce baptême? Lorsque le Christ n'avait pas à se faire baptiser, c'était pour les pécheurs que ce baptême existait, c'était pour les pécheurs comme un signe de repentance et de préparation à ce que Dieu allait faire. Donc, le Christ qui n'était pas pécheur n'avait pas besoin de se faire baptiser. C'est ce que le Baptiste, Jean-Baptiste, lui disait. Moi, avant toi, pour le baptême. Mais Jésus a insisté. Il a dit, c'est la manière dont il faut s'y prendre pour faire l'œuvre de Dieu. Que voulait-il dire? Comment? Oui, c'est ça. Dans le baptême, il s'identifiait avec nous, il se mettait au rang des pécheurs, et dans ce sens, le baptême était déjà une projection sur la croix, où cette identification devenait complète. Donc, lorsque Jésus est entré dans les eaux du baptême, il prenait déjà sur nous sur lui notre état de péché, de pécheur. Bon. Et c'est à ce moment justement que le Père se manifeste avec la voix. Et que dit-il? Il dit deux choses. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voilà, ce sont les rapports qu'il y a entre nous, entre les personnes de la Trinité. Mon fils bien-aimé, et ensuite, oui, en qui je mets tout mon plaisir, toute ma confiance. Ce qu'il fait là est un rapport parfait avec qui nous sommes, avec le caractère divin, c'est-à-dire le ministère qu'il entreprend est en rapport avec le projet éternel de Dieu, qui est le projet du salut et de la communauté. Bon, pour ce qui est de l'établissement de l'Église et de la sanctification des croyants pour être intégrés dans la communauté, qui est au premier plan cette fois-ci? Le Saint-Esprit. Est-ce que le Fils et le Père sont exclus de cette œuvre de l'établissement de l'Église? Qu'en pensez-vous? Absolument pas. Je sais que vous me faites confiance pour certaines choses, mais quand même, je voudrais vous conduire au livre des Actes, au chapitre 2, là où l'apôtre Pierre explique ce qui s'est passé à la Pentecôte, au chapitre 2 du livre des Actes, versets 32 et 33. Il décrit ici les origines de l'Évangile. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Bon, voilà l'œuvre ici de l'établissement de l'Église qui est décrite. Quelles sont les personnes de la Trinité qui ne sont pas à l'appel, qui manquent à l'appel dans ce passage? Aucun, ils y sont tous, vous voyez. Je peux vous donner des douzaines d'exemples comme celui-là. Allons à Romains, l'épître aux Romains. Tout au début, par exemple, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, qui concerne son fils, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Encore une fois, qui manque ici? Vous voyez? Ils sont tous impliqués ensemble dans le départ de l'Évangile. Et puis, on pourrait continuer. Oui, Romains chapitre 5, versets 5 et 6. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Oui, Dieu, Saint-Esprit, Christ, ils y sont tous. Et c'est ainsi, c'est toujours un travail d'équipe de la part de Dieu, si je puis dire. Bon, lorsqu'il s'agit de l'image, tout au début, dans l'œuvre de la création toute neuve, avant le péché, comment leur ministère devait-il être accompli? Chapitre 1 de la Genèse. Alors nous recommençons ici, le modèle c'est bien sûr d'abord Dieu et puis ensuite l'image. Chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et assujettissez la terre, dominez sur ce qu'elle contient. Ici, nous avons vraiment deux ordres. Deux ordres. Le premier, qui est le projet essentiel, c'est celui de la propagation de la communauté. Dieu non seulement établit la communauté unitaire lorsqu'il établit les deux, mais la consigne qu'il leur donne, c'est de se multiplier parce que si Dieu aime la communauté, le plus il y a de communauté, le mieux c'est. Facile à comprendre. Donc, remplissez la terre avec cette communauté. Et le projet subsidiaire, qui est secondaire au premier, qui est là pour soutenir le premier, c'est-à-dire le projet de la propagation, c'est celui de la régence de l'environnement. Si on veut que cette communauté s'accroisse, il faut bien sûr que le lieu où cette communauté va s'accroître puisse être géré de telle manière à pouvoir supporter cet accroissement de la communauté. Donc c'est là le sens de cet ordre pour dominer la terre et ce qu'elle contient. C'est pour assurer l'accroissement bien ordonné de cette communauté. Maintenant, la question se pose, donc ils ont deux œuvres à accomplir. Comment vont-ils s'y prendre? Qu'en pensez-vous? Parce que les femmes sont de sexe faible, ce sont des êtres faibles, ils ont l'esprit faible. Elles ne savent jamais ce qu'elles veulent. On ne peut pas s'y fier. Elles pleurent toujours. Elles parlent trop. Dieu leur confie la tâche la moindre tâche, c'est-à-dire d'avoir des bébés et puis de les élever. D'accord? Puisque les hommes sont des êtres solides, ils sont toujours raisonnables. Ils savent toujours ce qu'ils veulent. On peut leur faire une confiance absolue. Dieu leur donne la tâche la plus importante, qui est de dominer sur la création. Et sur les femmes. Bon, alors, il n'y a rien de tel dans ce passage. À qui l'ordre est donné, là? Regardez le texte encore une fois, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit. C'est-à-dire qu'ils faisaient, que c'était pour eux un travail d'équipe. Qu'ils se partageaient la tâche selon leur capacité individuelle. Que chacun apportait à l'œuvre commune la meilleure part de son ministère, de l'investissement divin dans cette personne. Ce n'est qu'après la chute qu'il y a une séparation des tâches. Pourquoi? Dans la nature, lorsque un système primaire ne fonctionne pas, généralement, il y a un système secondaire qui vient à la rescousse pour assurer la continuité. Dans ce cas-là, l'homme, la première source de vie pour l'homme, c'était sa relation avec Dieu. Lorsque sa relation avec Dieu a été coupée à cause du péché, l'homme s'est rabattu sur la seconde source de sa vie, d'où avait-il été extrait? Du sol, de la poussière. Il est devenu esclave du sol, comme le résultat du péché. Maintenant, pour survivre, il faudra qu'il travaille le sol à la sueur de son front, et le sol lui répondra avec des épines, et éventuellement le sol ouvrira sa bouche pour avaler son être. Bon, la femme, la première source de sa vie, c'était Dieu, mais le péché a rompu cette relation, donc elle a dû se rabattre pour continuer, elle a dû se rabattre sur la deuxième relation, d'où sortait-elle? De l'homme. Elle devint esclave de l'esclave. Lui esclave du sol et puis elle esclave de l'homme. Et c'est alors que c'est elle qui est devenue principale responsable pour la procréation et pour la survivance de la race, toutefois dans la peine et la douleur. Ça, c'est pas parce que Dieu l'a voulu. C'était le résultat du péché, donc l'œuvre du malin. Ce que Dieu voulait, la volonté primaire de Dieu, c'était ce qu'il avait établi dans le jardin, parce qu'il est advenu à cause du péché. Mais avant la chute, leur consigne, c'était de faire œuvre ensemble en travail d'équipe, pour accomplir ces deux projets de Dieu, le plus important étant celui de la propagation de la communauté. D'accord? L'enseignement de Jésus. Nous sommes à quelle page, là? OK. L'enseignement de Jésus sur ce sujet. Eh bien, Jésus a beaucoup dit. Mais il y a un thème unificateur que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Qu'est-ce que ça dit? Cherchez d'abord, avant tout, prioritaire, cherchez d'abord le royaume de Dieu ou des cieux, et puis tout le reste vous sera donné dans l'ordre voulu par la suite. C'est-à-dire, donner la priorité absolue au royaume de Dieu et le reste tombera en place comme il faudra. Nous vivons vraiment dans les temps modernes, nous vivons des vies de cinglés parce que nous sommes écartelés par des responsabilités qui souvent sont contradictoires et nombreuses. Quand vous pensez à nos devoirs professionnels, familiaux, les affaires d'église, les ministères, etc., on ne sait plus où donner de la tête. Et pourtant, je crois que dans cette parole du Christ, dans cet ordre, cet impératif du Christ, il y a un élément unificateur pour tous les chrétiens. Si tous les chrétiens avaient les mêmes valeurs, le même système de valeurs au sommet, on ne peut pas tous avoir la même, mais au sommet, on s'en rencontrerait là où le Christ le dit. Là, il y aurait une communauté qui serait une véritable force, plutôt qu'une farce. Et quelle serait cette force? Eh bien, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, poursuivez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Facile à dire, parce que le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Tellement nébuleux, c'est vague pour la plupart d'entre nous. Ça l'était pendant longtemps pour moi, jusqu'à ce que, enfin, j'ai fait une étude que je crois sérieuse, et je me suis aperçu que dans l'enseignement du Christ, le royaume de Dieu, c'est essentiellement trois choses. La première, le royaume de Dieu, c'est d'abord le Christ. Parce que vous voyez, le royaume, c'est le règne. C'est là où Dieu règne sans obstruction. Donc, le royaume de Dieu, c'est d'abord le Christ. Et en effet, il a dit, si c'est par la main de Dieu, le doigt de Dieu, que je chasse les démons, guérison, etc., c'est que le royaume est maintenant là, parmi vous. Donc, le Christ, lui, incarne le royaume. Avec lui, le règne de Dieu apparaît parmi les hommes et les femmes. Et en lui, il n'y a pas d'obstruction. Il n'y a pas d'empêchement au royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est d'abord Christ. Et ensuite, le royaume de Dieu, c'est ce qu'il indiquait lorsqu'il a dit, quand vous pensez au royaume, quand vous cherchez le royaume, ne regardez pas à droite, à gauche, ne regardez pas en haut, en l'air ou en bas, parce que je vous dis, le royaume de Dieu est parmi vous, en vous. Donc, le deuxième aspect du royaume, c'est la communauté chrétienne, que Jésus, justement, est venu pour introduire dans ce monde. Et bien sûr, un troisième aspect du royaume, et celui-là, c'est le royaume à venir. Le royaume eschatologique, c'est-à-dire lorsque le règne de Dieu sera tout ce qui existe. Où il n'y aura plus d'opposition, où la souveraineté de Dieu se manifestera sans encombre, c'est-à-dire l'éternité. Bon, lorsque Jésus nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », lui, il est venu, son ministère a été accompli, le royaume eschatologique est encore à venir. Mais de quoi parle-t-il donc lorsqu'il dit « Cherchez le royaume de Dieu d'abord » Il parle de la communauté. Il parle des intérêts de la communauté. Et il dit que la communauté devienne le principe conducteur de votre vie. Et ensuite, toutes les autres préoccupations que la vie vous impose vont rentrer dans l'ordre. C'est pour ça que nous menons des vies de cinglés, que nous ne savons pas où donner de la tête. Parce que nous ne savons pas ce qui vient d'abord. Et la promesse est que si nous donnons priorité à la communauté, eh bien le reste va s'en suivre. Vous comprenez où est la force de cette... De cet appel du Christ, il ne s'adresse pas à un individu ou bien à certains individus, il s'adresse à tous ceux qui le suivent, qui s'appellent de son nom. Et imaginez-vous donc toute cette multitude ou bien toute cette assemblée locale avec le même idéal, la même passion, la même vision. Pour le royaume de Dieu, dont la version présente est la communauté, que ce soit la communauté familiale ou bien la communauté ecclésiale. Alors, en pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en pratique, cela veut dire un investissement de chacun, dans l'œuvre de la communauté en priorité. Que ce soit, encore une fois, que ce soit l'Église en tant que ce soit la communauté en tant qu'Église ou en tant que famille, ça vient d'abord. L'œuvre de Jésus, c'était de venir nous apporter le salut pour que nous puissions justement établir cette communauté qui fait priorité pour Dieu et pour nous. Bon, pour, pour rendre la chose encore plus actuelle pour nous, je vais vous citer une parabole du Christ qui se trouve d'ailleurs aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. C'est la parabole du maître qui appelle trois de ses serviteurs. À l'un, il donne cinq parts, à l'autre, deux parts, et au dernier, il donne une part. Et il les envoie se mettre au travail. Il revient, demande des comptes. Celui qui a reçu cinq parts a mis en pratique la priorité du royaume. Il apporte des résultats en proportion avec ce qui lui a été confié. Celui qui a reçu deux parts, pareil. Celui qui n'a reçu qu'une part avait d'autres priorités. La sécurité, le confort, la peur, que sais-je. Et il ne rapporte rien. Maintenant, ce qui est important dans cette parabole, c'est que tous les trois sont désignés en tant que serviteurs du maître. Et pourtant, quelle est la sentence? Quel est le verdict qui tombe sur le troisième des serviteurs? Au verset 30, oui. C'est pas très réjouissant. Le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne sais pas exactement où c'est, mais ce n'est pas un endroit très, très recommandable. Et je ne sais pas ce que ça fait à votre théologie, mais cet homme-là est un serviteur. Et il est éjecté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis en pratique le sacerdoce qui lui était confié. Il n'a pas donné la priorité dans sa vie à l'ordre du Christ. Et je dis, c'est une chose terrible, apparemment, d'après le texte biblique, c'est une chose terrible pour un chrétien de ne pas investir son charisme, c'est-à-dire son don spirituel. Je ne peux penser qu'à une chose qui soit pire. Et cela, ce serait d'empêcher quelqu'un d'autre d'exercer son charisme ou bien d'investir son don spirituel. Bon, comment est-ce que l'Église pose Pentecôte, comment est-ce que l'Église a compris et a pratiqué cet appel au ministère, au sacerdoce universel? Eh bien, allons directement au livre des Actes, s'il vous plaît, Actes chapitre 2. Le récit du jour de la Pentecôte, bien sûr, lorsque l'Église est née. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce qui est dit immédiatement après la formation de l'Église après l'arrivée du Saint-Esprit, ce qui est dit par la bouche de l'apôtre Pierre. C'est ici le texte inaugural du discours qui a été tenu, inaugural du discours qui a été tenu le jour de la Pentecôte, donc au début de l'Église. Donc, c'est un texte important. L'apôtre Paul, se tenant devant cette multitude, aurait pu dire un tas de choses. Il aurait pu parler du passé récent, il aurait pu parler du ministère de Jésus, il aurait pu parler sur certains aspects de leur expérience avec le Christ, etc. Au lieu de cela, quel est son discours? Eh bien, son discours est ceci. Il dit, Dieu avait un rêve, il avait un projet. Et dans ce projet, il répandait son esprit universellement sur toute chair qui était réceptive, bien sûr. Et de ce fait, des ministères qui jusqu'alors étaient réservés à un petit nombre sont devenus disponibles universellement aussi. Par exemple, une fois que l'Esprit sera répandu sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Jusqu'alors, c'était des personnes vénérables dans l'histoire du peuple ancien qui prophétisaient. Maintenant, ce va être vos fils et vos filles. Non seulement vous, mais vos fils qui ne comptent pas encore et vos filles qui comptent encore moins, qui vont avoir accès à ce ministère qui était au-dessus de tous les autres. Car un prophète pouvait envoyer balader un roi, pouvait se tenir en jugement et annoncer le mécontentement divin sur tout un peuple, pouvait confronter les prêtres. Et maintenant, vos fils et vos filles auront accès à ce ministère. Dans le Nouveau Testament, Dieu a donné d'abord les apôtres qui sont passés, deuxièmement, il a donné les prophètes, ensuite les docteurs de l'Église, etc. Les plus hauts ministères sont maintenant accessibles à des gens sans signification. En fait, il continue, les petits vieux dans vos assemblées qui comptent plus, eh bien, Dieu va leur donner des visions, des rêves, ainsi qu'aux jeunes gens qui ne comptent pas encore. Et puis, dans ce rêve, Dieu voit cette échelle et voit ceux qui sont tout au bas de l'échelle, les esclaves, les serviteurs. Et ceux-là vont recevoir le Saint-Esprit et comme résultat, ils vont avoir accès à ce ministère de prophète, donc à plus forte raison à combien d'autres ministères. Et puis il se souvient qu'il y a encore un échelon au-dessous des serviteurs, des esclaves. Il dit, les esclaves, quel le texte. Mes serviteurs et mes servantes. Servantes. Oui, ce qu'il fait là, il dit maintenant que l'Esprit est présent parmi nous, répandu sur toute chair qui croit, maintenant c'est la mobilisation générale de toutes les ressources qui sont disponibles dans la communauté. Voilà ce qu'il dit. C'est un appel à la participation totale des forces et des ressources que Dieu a mis à la disposition de la communauté. On retrouve cet enseignement, bien sûr, dans les Épîtres. L'Épître aux Romains, chapitre 12. Là, je suis sûr que vous en rendez compte, mais on est en train de parler du modèle normatif, là. Bon, Romains, chapitre 12, il est question très fortement de communauté, ici, dans le chapitre 12. Au verset 4 et 5, nous avons plusieurs membres, pluralité ici, dans un seul corps, unité de l'Église. Tous les membres n'ont pas la même fonction, diversité, mais implication de tous les membres. Nous formons un seul corps en Christ. Verset 6, dans le même enseignement, le même souffle, hein, le même trait de plume. Verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de ceci, ceci, cela, une petite liste s'ensuit de ces dons, qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, il dit que nous avons tous des dons qui doivent être utilisés dans la communauté, pour la communauté, au travers de la communauté. Et ce qui est important, c'est que nous sommes tous impliqués. Il y a ici aucun cas qui puisse être fait pour une exclusion ou pour une excuse. Après tout, l'Épître aux Romains est une épître très importante dans le canon. Et s'il y avait des motifs d'exclusion ou des motifs pour certains pour s'excuser, il vaudrait la peine que ces motifs soient indiqués dans cette épître. Il n'en est rien. Peut-être dans la prochaine. Donc, allons à Corinthiens. Et encore une fois, chapitre 12, un très fort passage sur la communauté, au verset 12 et 13, chapitre 12, 12, 13. Le corps est un, plusieurs membres, toujours les mêmes idées ici, donc je ne vais pas insister. Malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous sommes tous un. Qui avons été baptisés dans un seul esprit. Bon. Eh bien, dans le même contexte, voir verset 7, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ensuite, suit une autre liste des ministères qui découlent de ces charismes, c'est-à-dire de ces dons spirituels. Mais ce qui est important au verset 7, c'est que à chacun est donné. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Alors ici, il me semble qu'il y a deux erreurs à éviter. La première, c'est de considérer ces charismes comme étant une source de bienfaits personnels pour les personnes qui en sont les possesseurs, qui reçoivent ces charismes. Jamais les dons spirituels ne sont pas donnés pour l'édification personnelle des individus qui sont en charge de ces charismes. Mais pourquoi? Pour le bien commun. Pour le bien commun, c'est-à-dire pour l'édification et le progrès de la communauté. Et puis, la deuxième erreur à éviter, c'est de dire que tout le monde n'a pas de charisme, qu'il y a des gens qui sont inutiles, des bons à rien dans l'Église, qu'il y a des gens dont la destinée est d'être spectateur plutôt que acteur actif. Hein? En fait, l'apôtre Paul ici est très clair à ce sujet-là, verset 15. Il dit, personne n'a le droit de s'excuser. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, no go. Ça ne marche pas. Inacceptable. Si l'oreille, ouais, le pied tout en bas, là, il dit, je ne suis pas une main. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil devant, ici, je ne suis pas du corps, ça non plus, ce n'est pas acceptable. Et au verset 21, personne n'a le droit d'exclure le charisme de quelqu'un d'autre. L'œil ne peut pas dire à la main, hey, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. En fait, l'apôtre continue, verset 24, il dit ceci, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, à nos yeux, à ce qui en manquait. Pourquoi ? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais qu'il y ait une égalité de considération les uns pour les autres, parmi les membres. Donc, le message ici, c'est pas d'exception, hein. Tout le monde est impliqué parce que Dieu a investi dans chaque personne. Pas seulement dans les pasteurs et les dirigeants, et les leaders. Il est clair ici où l'apôtre Paul place l'exercice des ministères. Ce n'est pas sur une estrade. Seulement. En fait, l'estrade est faite pour encourager la participation de tous dans ces ministères. Galates. Chapitre 3, où il est question encore une fois de communauté. Où ils disent, vous êtes tous un en Jésus-Christ, et de dire vous êtes un veut dire c'est une valeur fonctionnelle, c'est-à-dire vous êtes un malgré la pluralité, vous êtes un dans la diversité pour pouvoir fonctionner et faire fonctionner le corps. Mais alors, verset 28, ces paroles étonnantes, j'y crois pas du tout, mais c'est là. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus homme ni femme. Pourquoi que j'y crois pas ? Eh bien, on peut se convertir, on peut être baptisé et tout ce qu'on veut, mais si on est juif, on reste juif. Si on est grec, on reste grec. Il y a un frère qui me parlait tout à l'heure, il me disait qu'il était croate d'origine. Eh bien, il est chrétien depuis longtemps, ça fait 40 ans qu'il est, c'est ce que vous m'avez dit, hein, 40 ans dans le ministère, il se dit quand même croate. Il est né comme ça. Moi, je suis né en France, à Paris, et ma nationalité est française, et puis ça y est, je vais rester tant que je vivrai, peut-être même dans l'éternité, à Dieu ne plaise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a plus ni juif ni grec ? Ensuite, il n'y a plus ni esclave ni libre. Eh bien, je regrette, mais ça, de se convertir du jour au lendemain, ça ne change pas notre statut social. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, on n'a qu'à se regarder les uns les autres. On voit bien qu'il y a encore des hommes et des femmes. Dieu merci. De quoi s'agit-il ici ? Eh bien, il donne l'explication. Car vous êtes un en Christ. Cela veut dire que, malgré toutes ces différences, vous êtes un en Christ. C'est-à-dire, en ce qui concerne le fonctionnement de l'Église, ces différences ne signifient rien. Ce qui compte, c'est les charismes représentés.